L'hôtesse du Corbeau, une aventure de voyage, par Frances Trollope. Chapitre 1er. Il était tard. Je m'étais laissé surprendre par la nuit dans une vallée latérale ouvrant sur l'une des grandes artères qui conduisent de Suisse en Italie et dont l'extrémité supérieure aboutissait à un glacier superbe. La route était praticable pour les chars jusqu'au village que j'appellerais Falkenau. Mais, jeune dans ce temps-là, bien portant, actif, je faisais à pied une tournée solitaire. Vers la tombée de la nuit seulement, je songeais que je me trouvais seul sur un chemin désert, sans que rien indiquât le voisinage de Falkenau, où j'aurais dû être arrivé depuis une demi-heure, et enfin qu'un violent fun commençait à souffler. Savez-vous ce que c'est que le fun? C'est un manchot du sud-est qui, venu d'Italie, oppresse et énerve bêtes et gens. Quand le fun est très violent, dans certaines localités surtout, il devient presque aussi dangereux que les ouragans du Nouveau Monde. Heureusement, ce n'est point le cas ordinaire. Donc, le fun chassait à travers le ciel de sombres nuages couleur de plomb et soulevait la poussière en tourbillons épais. J'éprouvais une sensation de soulagement plus vive que ne semblait le comporter la circonstance en apercevant, au détour d'un rocher qui avait paru d'abord me barrer le passage, une petite lumière. Je touchais sans doute à Falkenau. La lumière brillait au rez-de-chaussée d'un vaste bâtiment que j'atteignis bientôt après. Cette maison, plantée d'une singulière façon, présentait un de ses angles à la route. On eût dit qu'elle lui tournait le dos d'un air boudeur. Sans doute le grand chemin avait été percé longtemps après sa construction. Elle était d'un bois auquel les intempéries de l'air avaient fait prendre une teinte grise de cendre et comptait 3 étages avec de larges pignons surmontés d'un grand toit formant saillie. Les nombreuses fenêtres étaient hermétiquement fermées, à l'exception d'une seule, et garnies de volets qui peut-être avaient été peints jadis. Mais depuis longtemps, toute trace de couleur s'en était effacée. Ils étaient maintenant gris comme le reste du bâtiment. En approchant, je distinguai une enseigne qui se balançait au bord du toit, du côté de la route. Ce furent ces grincements qui attirèrent mon attention. Au moment même, le vent, déchirant un gros nuage noir, laissa filtrer sur la maison le dernier pâle reflet du jour expirant. À cette lueur, je reconnus que l'enseigne était l'une de ces anciennes et curieuses pièces de fer travaillées qui désignent les auberges dans le sud-est de la Suisse. Un énorme crochet de fer, artistement forgé, supportait un anneau de forme ovale, orné lui aussi d'arabesques. Au milieu de cet anneau pendait une figure indescriptible qui me parut tout d'abord celle d'un griffon héraldique. Mais, après une seconde d'examen, je vis qu'elle représentait grossièrement un grand oiseau, lequel se balançait lentement au gré du fun sur son massif perchoir. D'ordinaire, ces sortes d'enseignes sont recouvertes de dorures, mais celle-ci paraissait toute noire, quelques taches de rouille d'un rouge sanglant tranchant seul sur sa teinte sombre. Cette maison était décidément une auberge. Au-delà, dans le lointain, je voyais scintiller d'autres lumières indiquant le village, mais la distance qui m'en séparait était encore considérable. L'étrange sensation nerveuse qui s'était emparée de moi me faisait désirer impatiemment la rencontre d'une créature humaine. Cette auberge pourrait aussi bien qu'une autre m'abriter pour une nuit. J'avais surtout besoin seulement de pain, d'un peu de vin et d'un lit pour dormir. J'avais surtout besoin d'entendre la voix d'un de mes semblables, car la vaste solitude des montagnes m'oppressait à un point extraordinaire. Je cherchais une entrée le long de la maison, mais je ne vis rien qu'un rang de volets fermés. Contournant l'encoignure, je pénétrai dans une sorte de petit jardin de forme triangulaire, auquel aboutissait un perron peu élevé, formé de degrés en bois, et conduisant à une plateforme sur laquelle ouvrait le porche. Je gravis les marches et poussai la porte entrebâillée qui résista. Une chaîne ou quelque autre obstacle la retenait. De telles précautions, inusitées dans ces vallées et sans précédent dans les hôtelleries, me surprirent d'abord. Mais je songeais au fun qui augmentait de minute en minute. Frappant avec mon bâton de montagne, j'attendis donc. Pendant une minute au moins, rien ne vint rompre le silence. Il m'avait semblé entendre d'abord une voix chantonner un air monotone, mais ce devait être celle du vent, car maintenant aucun son ne parvenait à mon oreille. Cette tranquillité étrange persistant après mon appel me causa une impression si désagréable que je résolus, sans insister davantage, de repartir et de faire clopin clopin le demi-mille qui me séparait encore de Falkenau. J'avais déjà le pied sur la dernière marche de l'escalier quand un pas retentit à l'intérieur. La chaîne fut détachée, une clarté se projeta le long des degrés. Honteux de ma précipitation, je revins sur mes pas en disant « Ma foi, je croyais tout le monde endormi dans votre auberge, car c'est une auberge, n'est-ce pas ?»« Oui, certes, le corbeau. » La voix qui me répondit aurait pu être celle du corbeau lui-même, tant elle était rauque, croissante et désagréable. Mais elle appartenait en réalité à une femme qui, debout, abritait ses yeux d'une main pour m'examiner à son aise. « Puis-je passer la nuit ici ?»« Pourquoi pas ? Entrez, mon fils. Le feu n'est assez fort pour nous emporter tous les deux. La nuit sera rude. Entrez. » C'était là, en somme, des paroles de bienvenue, et j'avais affaire à une vieille femme. Je pénétrai dans la maison. Mon hôtesse repoussa derrière moi la lourde porte qu'elle eut soin de verrouiller ensuite. « Vous craignez le vent ? » demandai-je. « Oui, c'est un mauvais vent que le fun. Entrez, entrez. Non pas par cette porte, l'autre, la porte à droite. » Je me trouvai dans une chambre basse, lambrissée en bois de noyer. Le plafond était supporté par de grosses poutres que j'aurais pu toucher de la main. La pièce, mal éclairée, me parut absolument nue et sentait le renfermer. Des toiles d'araignée obstruaient l'une des fenêtres. Seule une longue table vide garnissait ce taudis. « Je pourrais avoir un lit et quelque chose à manger, n'est-ce pas ? » demandai-je d'un ton qui devait exprimer le doute. L'endroit ne semble rien promettre de bon. « Pourquoi pas ? Le corbeau est bien pourvu de tout. Le corbeau n'est pas une de vos auberges à la mode qui n'ont que l'apparence. Il existait bien avant que l'on eût bâti cet tas de colifichets là-bas, à Falkenau. Et même avant qu'il y eut une route praticable à travers la vallée, sauf pour les piétons et peut-être pour les mulets de charge. » L'hôtesse avait posé sa chandelle sur la table. Je pus alors la bien examiner pour la première fois. C'était une grande femme maigre à cheveux gris. Des milliers de rides sillonnaient son visage tanné par le hâle. Ses traits étaient plats et vulgaires. Quand elle parlait, sa bouche édentée, proéminente, faisait d'affreuses grimaces. Deux yeux brillants, sous un front large, qui n'annonçait pas du moins la stupidité, complétaient cette physionomie, l'une des plus repoussantes que j'eusse jamais rencontrée. Quel pouvait être son âge ? Impossible de le deviner, car en dépit de ses cheveux gris et d'autres signes de décrépitude, elle était droite comme un jonc, vive dans tous ses mouvements. Son corps vigoureux formait un contraste frappant avec la tête rabagée qui le surmontait. Une sorte de fascination tenait mes regards fixés sur elle. Outre sa laideur naturelle, elle choquait par une effroyable malpropreté. Une veste d'homme en drap foncé, une jupe de cotonnade tout en loques, un tablier noir et de gros souliers composaient son ajustement. Elle soutint mon examen sans sourciller et, braquant sur moi ses yeux noirs, m'observa de son côté. « Oh, vous êtes étranger, » dit-elle enfin. « Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite à votre langage. Vous parlez bien l'allemand. Je pensais que vous étiez peut-être quelque bourge en voyage. Excusez. » Ses façons devinrent plus respectueuses. « Les étrangers ne vous déplaisent pas, je pense, » demandai-je, ne sachant trop que dire. « Oh non, pas du tout. Le corbeau était habitué autrefois à voir beaucoup d'étrangers, de beaux messieurs qui venaient entreprendre l'ascension du glacier là-bas. Les temps sont bien changés. Autres gens, autres habitudes. Nous avons des ennemis qui parlent mal de nous. Ils comptaient acheter cette maison et en faire un grand hôtel, mais nous n'avons pas voulu. Jamais nous ne consentirons à vendre la vieille maison. Elle appartient à ma famille depuis plus de 100 ans, et je l'ai apportée en dot à mon mari. Après moi, qui sait ce qui pourra arriver, mais de mon vivant, rien ne sera changé, ici, rien. « Me donnerez-vous à souper ?» lui dis-je. « Sans doute. » Je n'avais qu'à désirer. Me fallait-il une tasse de café ? J'acceptai l'offre du café et demandai qu'on me servît en outre de la viande froide. En attendant que tout fût prêt, j'irai voir ma chambre à coucher. L'hôtesse saisit la chandelle de sa main noueuse et, poussant brusquement la porte, s'engagea dans un couloir en m'invitant à la suivre. Pendant que nous traversions ce passage obscur, j'entendis encore le chant monotone qui avait une première fois attiré mon attention. Il semblait sortir de la pièce située au bout du corridor et dans laquelle j'avais été prié de ne pas pénétrer au moment de mon arrivée dans la maison. Je connaissais la coutume suivie par les pieux paysans de cette contrée catholique qui récitent en commun les litanies chaque soir, et sans trop m'étonner, Je m'arrêtai l'espace d'une seconde pour prêter l'oreille. Cela parut suffire à inquiéter mon hôtesse. Elle me pressa de monter, et tout en gravissant l'escalier, me rassura contre la crainte que j'aurais pu avoir d'être incommodé par le bruit. « Oh, je ne crains pas d'être dérangé, » repartis-je, « d'autant que cela ne durera pas toute la nuit. Ils sont en train de dire leurs prières, sans doute. » Elle me lança un coup d'œil rapide et perçant, puis fit de la tête un signe affirmatif. Jusqu'alors, je n'avais vu qu'elle seule. Maintenant, je comprenais pourquoi. Le reste de la maison faisait sans doute ses dévotions du soir. La maîtresse du logis s'arrêta au premier étage, devant une porte au milieu du long corridor. Prenant une clé dans le trousseau pendu à sa ceinture, elle la fit tourner avec un visible effort. La ceinture rouillée grinça comme si elle n'eût pas fonctionné depuis des années, et quand la porte tourna enfin sur ses gonds, il sortit de la chambre une bouffée d'humidité et une odeur de moisi, tandis qu'un grand papillon de nuit venait roussir ses ailes à la flamme de la chandelle. « Je ne puis loger ici !» m'écriai-je en reculant. L'hôtesse grommela je ne sais quoi et me regarda d'un air courroucé, mais sans m'offrir une chambre. Je demandai si je ne pourrais pas dormir ailleurs, n'importe où, fût-ce dans un grenier. Je n'étais pas délicat, mais je voulais au moins avoir de l'air. « De l'air !» reprit-elle, imprimant sa tête grise un mouvement dédaigneux. « Vous allez bientôt en avoir assez, de l'air !» En parlant, elle s'élança vers une fenêtre dont elle tira les barres, ce qui souleva un nuage de poussière. De lourds volets de bois condamnaient cette fenêtre au dehors, mais leur fonte laissait néanmoins passer le vent de telle sorte que la porte tomba bruyamment et que la chandelle menaça de s'éteindre. Mon hôtesse continua à marmotter entre ses gencives que la chambre était bonne. C'était la meilleure chambre de la maison. Quant à l'air, on n'avait point l'habitude de laisser les portes et les fenêtres ouvertes lorsque soufflait le fun. Les étrangers ne savaient pas ce que c'était que le fun. Le lit était magnifique et les draps de belle toile. Que pouvait-on demander de plus? Et retirant la courte pointe rongée par les teignes, elle me faisait voir l'oreiller. Il était effectivement recouvert de linge magnifique, orné sur les bords de dessins compliqués à l'aiguille. Les draps étaient également brodés. « Voilà en vérité, déclarai-je, du très beau linge, et dont le travail semble ancien et curieux. Mais j'avoue qu'une botte de paille bien sèche ferait mieux mon affaire. Ces draps ne sont pas seulement humides, ils sont mouillés. Depuis une année au moins, personne n'a couché dans ce lit. » Peut-être l'hommage rendu au mérite de son linge calma-t-il la première indignation de mon hôtesse. Peut-être avait-elle reconnu la justesse de mes exigences. Toujours est-il qu'elle promit de changer la garniture du lit. En attendant, elle allait préparer le souper. Je demandai de l'eau et procédai à ma toilette, puis je visitai la chambre plus attentivement. Elle était dans un état déplorable de vétusté. Le plâtre du plafond s'émiettait, les meubles tombaient littéralement en morceaux, et cependant, chose étrange, il y avait partout la preuve d'une sorte de rustique aisance. Sur la table se trouvaient des flambeaux d'argent, ternis, il est vrai, au point d'être presque noirs. À la tête du lit, un crucifix pendait, accroché au mur. Après l'avoir débarrassé de la couche de poussière qui l'enveloppait, je reconnus que c'était un assez bel ivoire italien encadré de marqueterie. Quelle pouvait donc être l'histoire de cette étrange maison à la fois riche et misérable ?